T'aurais dû te marier quand on a eu l'occasion. Avoir des gosses. Te ranger. Trouver un job. Qu'est-ce que tu racontes? 7h15, ta course matin, il faut que tu te réveilles. Merde, j'ai pas fait mes devoirs et puis la prof elle dit que je suis très faible. J'ai perdu mes espoirs, je vais à l'école pour faire plaisir. C'est toujours mieux que la street où j'ai vu plus d'un frère fléchir. Je suis pris au dépourvu car mon mal-être, je l'ai pas vu net. Pendant que tu fais tes devoirs, je tease et je tombe dans la fumette. J'avais les yeux pleins de rêve, je pensais pas que je me planterais. J'arrête le sport, je me dis que la semaine d'après je reprendrai. Moi je crois en moi et puis la nuit j'arrive à pas chaf. Je rejette la faute comme tous mes potes et je me dis qu'on a pas de chat. On parle de ce qu'on va gagner sans penser à ce qu'on a perdu. On passe des jours à se vanner, tisser, fumer de la verdure. L'amertume veut plus me lâcher et le bonheur me manque. Je suis discret, je fais la gueule dans les meilleurs moments. J'ai trop d'idées mais je suis un as comme tous les profs disaient. C'est décidé, j'arrête les cours et je pense qu'à profiter. J'ai cru que ça suffirait de jouer le rappeur qui fait parler filles. J'ai pas de recul, j'avance plus et les années filent. Je me fais souffrir mais je continue et j'avance dans le bad. J'entends pas les conseils et je me dis qu'en France t'en bave. Mon meilleur pote ça se fait abattre parce qu'ils veulent bafa. Moi je continue de rapper mais je vois l'échec dans les yeux de ma femme. Je marche dans la rue sous ma casquette dans mon vieux cosla. Je m'en bats les couilles et je pense à rien car c'est mieux comme ça. Je dis que c'est mieux comme ça et même quand c'est pas vrai. Si ta vie c'est un fardeau, ça toi que t'en séparer. Tout n'est pas si noir et là j'essaie de voir où ça peut me conduire. De reprendre mes espoirs. On se dit que c'est mieux comme ça pour aller bien parce qu'on va mal. On se dit que c'est mieux comme ça mais le bout des sous si on voit pas. On se dit que c'est mieux comme ça gros, on se dit que c'est mieux comme ça. Et même devant le pire, on se dit que c'est mieux comme ça. L'école c'est loin, je me suis pris les pieds dans cette spirale. Le rap mon oxygène, la salle de classe est irrespirable. Moi j'ai des potes qui taffent et moi je me tourne les pouces tous les jours. Et je suis pas le seul à qui ça fout les boules. Pour l'équilibre, je me répète que j'ai un talent de poids. J'ai pas d'emploi et je dois rester modeste en parlant de moi. Je sais je suis pas teubé, j'ai une grande gueule, c'est abusif. Je me noie dans la rebiet, dans la rancœur et la musique. J'ai déjà plus de type, trop jeune, c'est dur de faire le poids. C'est mieux comme ça, je crois, et mon bout de shit est fier de moi. La vie m'excite et je veux lui donner des coups de rein. Je tombe vers le bas, je me rends pas compte et j'écoute rien. Sur la pente savonneuse, je prends de l'élan et je fais des glissades. J'ai des capacités à exploiter, mais je néglige ça. Je me crois plus fort que les autres alors qu'en fait c'est l'inverse. Je me confie plus, même si j'ai les épaules d'une mère et d'un père. Dis que c'est mieux comme ça, et même quand c'est pas vrai. Si ta vie c'est un fardeau, ça, toi que t'en séparer. Tout n'est pas si noir et là, j'essaie de voir où ça peut me conduire. De reprendre mes espoirs. On se dit que c'est mieux comme ça pour aller bien parce qu'on va mal. On se dit que c'est mieux comme ça mais le bout des sous si on voit pas. On se dit que c'est mieux comme ça gros, on se dit que c'est mieux comme ça. Et même devant le pire, on se dit que c'est mieux comme ça. C'est fini l'ironie, laissez aller où tous les faux rêves. Je dis salut à cette vie, jour après jour elle m'a dévoré. J'suis trop jeune pour comprendre, ça va trop vite et j'assume plus. J'suis mal mais j'reconnais qu'on dise que la vie n'est pas une pute. J'me bats contre mes problèmes, des raisons de fuir, j'en ai 400. Mes proches sont là pour moi, moi pour eux j'suis qu'un mec absent. Mes gars sentent que ça le fait plus et que j'suis en chute libre. J'dors tout l'après-midi et y'a de la baffe sur mon dessus de lit. J'me réveille tard, à cette heure-ci j'entends que les trains passent. Et j'parle sur MSN jusqu'au matin, leur dis je l'éteins pas. J'me prends une bière, c'est la cinquième, ça ira pour ce soir. J'en repote chez moi parce que j'trouve plus ma place où que ce soit. J'en suis rendu à ça, cousin, j'deviens dépressif. J'suis dans mon assiette parce que j'ai pas visé les vrais cibles. J'anticipais ma chute, j'avais peur de me briser le cou. J'ai pris des coups de massue et plus d'une fois j'ai brisé le gouffre. Dès le départ, frère, j'ai compris la vie de travers. À l'âge où faut taffer, ça se tapait et ça picravait. J'ai bientôt 24 ans, c'est fini les embrouilles bizarres. Si je vous dis ça, c'est que j'ai pas de quoi me payer un bout de pizza. C'est quand on l'assume pas qu'on pense qu'on a pas de chance. J'ai foiré mes études, il me reste ma rage et ma patience. Fini les années collège, moi pourtant je veux décoller. Aïe, j'ai trop déconné, je reprends ma tenue d'écolier. On se dit que c'est mieux comme ça, et même quand c'est pas vrai. Si ta vie c'est un fardeau, ça, toi que t'en séparer. Tout n'est pas si noir et là, j'essaie de voir où ça peut me conduire. De reprendre mes espoirs. On se dit que c'est mieux comme ça pour aller bien parce qu'on va mal. On se dit que c'est mieux comme ça, mais le bout des sous si on voit pas. On se dit que c'est mieux comme ça, gros. On se dit que c'est mieux comme ça, et même devant le pire, on se dit que c'est mieux comme ça. On se dit que c'est mieux comme ça, et même quand c'est pas vrai. Si ta vie c'est un fardeau, ça, toi que t'en séparer. Tout n'est pas si noir et là, j'essaie de voir où ça peut me conduire. De reprendre mes espoirs. On se dit que c'est mieux comme ça pour aller bien parce qu'on va mal. On se dit que c'est mieux comme ça, mais le bout des sous si on voit pas. On se dit que c'est mieux comme ça, gros. On se dit que c'est mieux comme ça, et même devant.